بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس 57 بعد المئة. 157 leçon. Toujours dans كتاب الآداب. L'auteur il dit, حضره تعالى, في سؤال 1437 question. ما هما العينان اللتان لا تمسهما النار. Quels sont les deux yeux qui ne seront pas touchés par le feu? Les deux yeux qui ne sont pas touchés par le feu. Dans le hadith d'Ibn Abbas, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي. Qu'il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم, il y a deux yeux qui ne seront pas touchés par le feu, des yeux qui auront pleuré par crainte d'Allah et des yeux qui auront veillé la nuit en montant la garde sur le sanctuaire d'Allah عز وجل, c'est-à-dire lors du jihad, ils surveillent de l'arrivée de l'ennemi pour protéger les gens. Ces deux yeux-là ne seront jamais touchés par le feu. ثم قال في سؤال 37401 438 question. إذا أعطى الإنسان هبة هل يجوز له الرجوع فيها؟ Si quelqu'un maintenant il fait un don, un cadeau à quelqu'un, lui est-il permis de le récupérer? On dit non. Ça n'est pas permis. Comme dans la question par la suite, il dit c'est quoi le jugement de justement d'agir de la sorte? D'accord? C'est quoi le jugement d'agir de la sorte? Celui qui fait cela, comme dans le hadith d'Ibn Abbas, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-aïd fi hibati, kal-kalb, yaqi'u, thumma ya'udu fi qayyihi, muttafaqun alayhi. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui revient d'un don qu'il a fait, est à l'exemple du chien qui aura vomi, et qui aura mangé son propre vomi. Wa li'az billah. Et cela est exception pour le père qui donne à son fils. Lui, lui est permis de récupérer ce qu'il a donné à son fils. Exception faite pour le père. En dehors de cela, si tu as donné quelque chose à quelqu'un, tu ne peux le reprendre. Tu n'as pas le droit de le reprendre. Ou même de lui racheter. Ou même de lui racheter. ثم قال في السؤال 40 question. اذكر بعض الاوقات التي يكون الدعاء فيها مستجابا. Cite certains horaires, certains moments où la vocation est exaucée. En premier lieu, on a déjà pris les hadiths auparavant. Il y a le dernier tiers de la nuit. Dans le hadith du Nuzul, où Allah Azzawajal descend au dernier tiers de la nuit, au ciel de la dunya. On a déjà parlé de ce hadith-là. Il y a entre l'Iqama et l'Azen, dans la Salat. Entre l'Iqama et l'Azen. Comme dans le hadith d'Anas ibn Malik, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ad-du'a la yuraddu bayna al-Azen ou l'Iqama, que la vocation n'est point rejetée entre l'Azen et l'Iqama. Rawi Tirmidhi. La dernière heure du Jumu'ah. On en a parlé également auparavant. D'accord? On a regardé auparavant comme dans le hadith de Abu Huraira quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa qa'imun yusalli fa yas'alu Allah ta'ala shay'an illa a'tahu iyyahu wa ashara bi yadihi wa yuqalliluha. Que il a dit il n'y a pas un temps avec lequel considérera le musulman qui invoque son seigneur qu'il demande quelque chose sans qu'il ne lui donne. Et ça c'est le quand le jour du vendredi, on a expliqué selon la vie le plus juste que c'est la dernière heure avant le maghrib. Il y a également lors de la prosternation dans le sujoud, lors de la prosternation, comme dans le hadith d'Abu Huraira, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala akrab ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aksiru ad-du'a. Rawahu Muslim. Que le moment où le serviteur est le plus proche de son seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Donc il a dit faites beaucoup d'invocations à ce moment-là. Également lorsque la pluie descend, lors de la descente de pluie, comme dans le hadith de Makhoul radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala اطلبوا اجابه الدعاء عند التقاء الجيوش واقامه الصلاه ونزول المطر. حسنه الالباني. Qu'il a dit que le Nabi sallam il a dit demandez vos besoins par l'invocation lors de la rencontre avec l'ennemi, c'est-à-dire au combat. Donc ça c'est un moment également où l'invocation est exaucée. Lorsque il y a l'iqama, c'est-à-dire entre l'azan et l'iqama comme on l'a cité précédemment, et lorsque la pluie descend. C'est le moment où on fait des doigts et que Allah Azza wa Jalla nous exauce avec des conditions, bien évidemment. Également, quand Allah est saïm al-musafir, celui qui jeûne et celui qui est en voyage. Comme dans le hadith de Anas ibn Malik. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, salathun da'wat la turad. Da'watu al-walid. Wa da'watu al-saïm. Wa da'watu al-musafir. Qu'il a dit, il y a trois invocations qui ne sont pas refusées. Celle du père, sûrement à l'encontre de son enfant. Celle de celui qui jeûne. Et celui qui est en voyage, apporté par Tirmidhi. Non. Et bien évidemment, comme vous le savez, les invocations, elles ont des conditions. D'accord ? Elles sont des conditions pour que ceci soit exaucé. Comme la sincérité, comme le fait de manger halal, le fait de lever les mains, le fait d'être vraiment revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Et les alika. ثم قال في السؤال السادس وأربعمية وأربعين أو السادس وأربعين وأربعمية وألف ملك الثلاثين كسيون ما حكم استماع الأغاني qu'en est-il justement d'écouter maintenant de la musique des chansons de la musique que cela est interdit cela est interdit écouter de la musique cela est interdit ou la preuve c'est la parole d'Allah où il dit ومن الناس من يشتري الأهواء الحديث يدل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها حظوة أولئك لهم عذاب مهين. Qu'il est dit, parmi les gens, il y en a certains qui achètent des paroles futiles pour égarer le sentier d'Allah, sans science, et qui prennent justement ce sentier d'Allah Azzawajal en raillerie. Ceux-là auront un châtiment avilissant. Soit Luqman, verset 6. Et justement, Ibn Kathir a rapporté de plusieurs compagnons qui ont interprété ce verset comme étant la musique. D'accord ? Il s'agit de la musique. Elle a rené les chansons. Et selon Abu Malik al-Ash'ari, radiallahu anhu, qu'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, « لِيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَكْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرِ وَالْخَمْرِ وَالْمَعَازِفِ » Qu'il y aura parmi ma communauté des gens qui vont rendre permis, justement, la soie, d'accord, la soie qui est interdite à la base pour les hommes, et également les instruments de musique, rapportés par Bukhari, Ta'liqan, et d'autres, comme Bayhaqi wa Tabarani. Donc cela montre bien, d'accord, que permettre que le Nabi sallam va rendre, des gens vont rendre permis, c'est-à-dire que cela est interdit. Et la soie, c'est interdit, elle est interdite pour les hommes. Cela est connu avec les preuves. D'autres ahadis sont venus, mais ils sont faibles. D'accord, ils sont faibles. Mais cela suffit. Et celui qui revient à la compréhension des salaf, des compagnons, le verset qu'on a cité précédemment le suffit. Aujourd'hui, on voit des gens qui font de la musique et qui appellent à l'islam avec la musique. Cela est tout à fait absurde. C'est comme le fait de dire, comme ce concept des banques islamiques qui font du riba au nom de l'islam. Par exemple. Tout cela est tout à fait contradictoire. On fait des péchés pour appeler à la religion. La prêche à l'islam, d'accord, se fait avec la crainte d'Allah Azzawajal et sans péché. Et sans péché. Donc des gens qui viennent, qui te disent, moi je fais de la musique islamique, je fais tala et kaza et kaza, on dit ce que tu fais c'est haram, tu ne prends que des péchés en faisant cela. Et quand même cela aurait été la cause que des gens soient guidés, s'ils sont bien guidés par la suite, ils vont désavouer ce que tu as fait, et toi, cela n'empêchera pas que tu auras ton péché à payer, le Malak Yama si elle ne te pardonne pas. Naam. Thumma qala fi su'al. طيب سنقف هنا إن شاء الله اليوم سنكتب بهذا القدر والحمد لله رب العالمين